Les nuits de France Culture, nuit spéciale, la France mystérieuse. Nuit commencée en compagnie de Marie-Charlotte Delmas, auteure du dictionnaire qui nous a donné le goût et l'envie d'offrir aux auditeurs ce programme autour de l'idée de mystère, d'étrangeté, de croyances populaires, de superstition, de sorcellerie et de rites magiques. Son dictionnaire, publié chez Omnibus, a pour titre « Dictionnaire de la France mystérieuse ». Les archives que vous avez pu suivre au cours de cette nuit, archives que vous pouvez réentendre en ligne ou télécharger sur le site franceculture.fr à notre rubrique, celle des nuits de France Culture. Ces archives donc nous ont fait pénétrer alors en 1945 dans une grotte, la grotte de Montespan, en compagnie du spéléologue Norbert Castoret. Puis frayé avec le loup-garou en 1981 dans le Berry, en Savoie, en Isère, dans le Dauphiné. Puis rencontré Claude Seignol grâce à un appel d'air de Marie-Hélène Fraissé, c'était en 2002. Nous avons ensuite reçu Grégoire Solotareff, auteur, dessinateur d'un dictionnaire des sorcières publié à l'école des loisirs. Puis nous avons entendu Claude Métra nous raconter la mandragore d'Achim von Arnim. Et enfin, à l'instant, ce changement de décor, les rituels du bocage et ses mystère. Bonsoir Roger Brunet. Bonsoir. Alors, lorsque l'on découvre les 600 pages de votre dernier ouvrage paru, Trésor du terroir, CNRS édition, sous-titré Les noms de lieux de la France, on se dit que certes, vous êtes un géographe d'une immense érudition, mais l'on songe aussi que vous devez être un amateur de littérature, parce que lorsque l'on aime à ce point l'onomastique, la science des noms propres, on doit se régaler sûrement dans la lecture des romans de toutes époques, peut-être plus du 19e siècle, et puis on arrive à Proust, évidemment, au début du 20e. Oui, travaillant sur le Berry en ce moment, j'ai redécouvert Georges Sand, qui a fait de très intéressantes choses sur le terroir et les langages du terroir et les mots du terroir. D'ailleurs, fadette, fade, tout ça, vous nous direz peut-être que... Petite fadette, c'est la fée. Oui. Alors, et puis il y a d'autres exemples dans l'œuvre de Georges Sand. Alors, pas de S à Georges, et un D imprononcé à la fin de ça. On ne sait pas, tout cela est mystérieux comme est mystérieuse la nuit. Alors l'étymologie, c'est une science évidemment, mais c'est aussi une science qui est remise en question, puisque par exemple toutes les étymologies que l'on trouvait dans le littré au 19e siècle, elles semblent un petit peu aujourd'hui, pour les noms de lieux, elles semblent un petit peu, pas toutes, mais un peu fantaisistes. Oui, il y a un très gros travail en étymologie depuis un siècle et demi. Dans les dernières années, ça a encore évolué, ça évolue toujours. C'est un problème difficile, et d'autant plus difficile en toponymie, que beaucoup de racines de langues différentes parlées en France et appliquées au nom de lieu sont identiques. Elles viennent d'un indo-européen supposé, dont on connaît maintenant assez bien les racines, ce qui fait que dire que telle chose est gauloise, ou latine, ou celte en général, c'est souvent très difficile. C'est l'une des raisons pour lesquelles je ne suis pas parti de là, contrairement à mes collègues et amis onomasticiens. Oui, vous partez des lieux et non pas des langues. Alors... Oui, dans toponymie ou dans onomastique, il y a à la fois l'idée de lieu et l'idée de nom. Moi, je suis un spécialiste des lieux, mais je me suis renseigné, évidemment, sur ce que font mes collègues onomasticiens, c'est-à-dire linguistes. Ah bah oui, sur les 700... presque 700 pages qui composent ce trésor du terroir. On voit beaucoup de références aux travaux antérieurs de vos collègues. Bien entendu. Et donc de linguistes, puisqu'il n'y a guère qu'eux qui ont travaillé sérieusement sur cette question. Alors, pourquoi se met-on à travailler comme ça sur les noms de lieux? Vous habitiez, vous êtes né dans un endroit avec un nom particulier, vous étiez... Non, je suis né à Toulouse, qui est déjà un nom assez mystérieux. C'est un goût général pour les noms et pour l'étymologie. J'ai publié un gros dictionnaire qui s'appelle Les mots de la géographie, parce que à un moment, comme géographe, j'ai eu besoin de réfléchir à ce que nous disions et de rechercher ce qu'il y avait derrière les mots. Alors Toulouse, par exemple, quelle est la difficulté de Toulouse? C'est très difficile, mais l'idée qui est derrière Toul, c'est l'idée d'une hauteur. Le problème, c'est que Toulouse est dans la plaine. Mais heureusement, sur les collines derrière, il y a un vieil Toulouse qui était probablement une villa Tolosa et qui pourrait justifier ce nom. Mais on est encore qu'au stade des hypothèses, on n'a aucune certitude dans ce domaine. Et puis il y a énormément de faux amis, parce que vous dites sur une colline, mais il y a beaucoup de noms de lieux qui commencent par mont ou qui se terminent par mont et qui n'ont aucun rapport avec le mont, la montagne, la petite colline. Oui, absolument. À côté de Tours où j'habite, il y a Bré-et-Mont. C'est simplement le Breuil d'un certain Aymont. Qui était un nom d'origine germanique. Dolmont, dans l'Est, ça signifie l'embouchure de la Deule. Parce que Mont, c'est Mount dans ce cas-là. Alors comment avez-vous précédé Roger Brunet? Parce que est-ce que vous êtes parti sac au dos faire le tour de absolument toute la France ou au contraire vous êtes resté chez vous avec une loupe et à regarder les cartes IGN? Les deux, parce que c'est parti de randonnée. Je randonne avec des amis de l'accueil des villes de France à Tours et de temps en temps ils me posaient des questions parce que on avait des noms de lieux bizarres, genre les œufs durs, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Les œufs durs. Les œufs durs, oui, qui est probablement la déformation d'un mot qui est les obus, qui signifie AUBUS, qui signifie les terres blanches en fait. Alors vous voyez comment ça se déforme par transmission orale. On pourrait imaginer les œufs durs vers Chaudzeg, par exemple. Aussi, oui, mais c'est pas ça. Ça n'est pas tout à fait le cas. C'est à Srel, qui est un petit village des environs de Tours, où on trouve par exemple aussi un roi-ville, qui n'a aucun rapport ni avec un roi, ni avec une ville. C'est simplement le hameau du guet. Le guet, c'est Rito, ça a donné roi. Villa Rito, c'est roi-ville. Des choses de ce genre, c'est très amusant. Alors, ça a beaucoup intéressé mes amis randonneurs, et au bout d'un certain moment, je me suis dit, mais ça vaut peut-être la peine de creuser la question de près. Et j'ai repris un peu la même gymnastique que celle qui m'avait amené à publier les mots de la géographie, mais en lisant mes collègues linguistes à fond. Alors, j'ai beaucoup investi pendant 2 ou 3 ans, et je me suis aperçu au bout d'un moment que je pouvais faire plus que me renseigner, c'est-à-dire écrire à mon tour, mais à ma façon, en me posant la question qui n'est pas la question préférée des onomasticiens, qui est ce nom de lieu, pourquoi l'a-t-on choisi? Qu'est-ce qui a fait que nos ancêtres ont choisi ce nom? Qu'est-ce qu'ils ont vu dans ce lieu? Alors, ils ont pu y voir du danger, des choses étranges, ils ont pu y voir toute une série de mystères. Et vous savez que dans ce cas, quand on ne comprend pas ce qu'on voit, on lui accorde une fonction divine. Vous écrivez dans votre préface, Roger Brunet, que nos ancêtres ont vu dans les lieux dans ces lieux, quoi, les occasions, des ressources, des aubaines, des contraintes, des libertés, décident déjà, voilà, le danger, l'étrange, l'inexpliqué. Des dangers aussi, oui. Mais peut-être aussi l'envie de faire peur, parce que quand on donne un nom effrayant à un lieu, c'est peut-être aussi pour éloigner les randonneurs de jadis. Il y a un certain nombre de châteaux qui s'appellent méchants, qui s'appellent avec mal ou mot, et c'était, on pense que dans bien des cas, c'était justement pour faire peur. À qui ? Alors, parce que comme Malicorne. Malicorne, ça veut dire si vous sonnez, vous serez pas reçu. Mais est-ce que c'était écrit ça? Parce que nous, on a en tête comme ça les panneaux, voilà. Sur à les partir routes. D'un moment, ça a été écrit, bien sûr, quand on a su écrire. Oui, mais sauf que tout cela était une tradition orale, bien entendu. Le problème, c'est que dans nos régions, en France, pendant des dizaines de milliers d'années, on a nommé des lieux oralement et on ne sait pas ce qu'il en reste. Il y a beaucoup de racines du genre cuc ou ker ou autre qui désignent des rochers, des monts, qu'on ne comprenait plus après d'ailleurs, du coup on répétait. Et on a des noms compliqués comme ça qui tiennent à la fois à des mots d'avant l'écriture et des mots d'après l'écriture. Les Gaulois avaient un peu appris à écrire, ça commençait à peine à ce moment-là, c'est pas vieux. Ce qui peut aider, c'est finalement le savoir que l'on a de la désignation des noms de rue, par exemple, dans les villes. On sait bien qu'au début, il n'y avait pas de nom, ou le nom changeait parce que c'était la rue où habite telle personne. Oui, si parfois, la personne déménageait ou mourait, ben ça changeait de nom. Parfois, on les change pour par euphémisme, parce qu'il y avait des noms de rues un peu rudes. Il y a à Paris une rue du Petit Musc. Qui avait une autre étymologie. Oui, c'était la pute imus, c'est-à-dire s'y cache. Et pute, ça voulait dire aussi sale. Enfin, c'était un lieu. Alors, pute, ça veut dire sale aussi. Pute, punée, tout ça, c'est des choses sales, oui. Alors, puisque nuit de la France mystérieuse il y a, Roger Brunier, il faut que vous nous donniez des noms qui vont évoquer justement les croyances en les êtres maléfiques ou étranges. Et ça, on doit trouver dans toutes les régions. Dans toutes les régions, on trouve par exemple des ponts du diable. Quand on voyait un pont vieux, un peu hardi, audacieux, au-dessus d'une gorge, on ne comprenait pas qui avait pu le faire. Alors, ça est devenu un pont du diable. Mais il y a en France des centaines de trous du diable, par exemple. Dès qu'il y a un trou, une grotte, quelque chose qui cache ou dans lequel on peut tomber, il y a derrière un diable, forcément. Il y a la dangerosité, et puis aussi, encore une fois, il y a l'idée d'éloigner peut-être les enfants ou des gens qui... Peut-être oui, de faire peur. Oui. On a peur, et parfois il faut faire peur pour éloigner du danger. Alors le diable a pris d'autres noms, en Bretagne c'est Diaoul, dans le Midi c'est souvent Drac, il y a des noms en Drac comme Draguignan par exemple, qui ont quelque chose à faire avec le diable. Mais il y a aussi des noms qui nous font penser alors au diable, à l'enfer par exemple, et ça veut pas dire nécessairement, c'est pas l'enfer que l'on connaît ou que l'on connaîtra. Alors il y a énormément de lieux en enfer, des vals d'enfer, mais ça veut dire souvent tout simplement que c'est en bas. Enfer, c'est la même chose, la même racine que inférieur, c'est ce qui est en dessous. Donc quand on est en contrebas de quelque chose, on appelle ça volontiers enfer. Donc il faut se méfier des interprétations qu'on pourrait donner un petit peu trop mystérieuses et mystiques. Alors je reviens à votre façon de travailler, Roger Brunet, peut-être donc un jour dans votre bureau, que j'imagine rempli de cartes IGN. Beaucoup de fiches, oui. Des cartes aussi. Et des cartes. Et simplement, vous regardez, vous suivez un chemin vicinal, et puis là, vous tombez sur un mot qui vous plaît. Vous allez sur place, vous interrogez les gens du coin pour savoir, ou simplement depuis votre bureau, non, comme je ça, c'est un travail intellectuel et suffisant. Dans la plupart des cas, les onomasticiens sont déjà passés là, si j'ose dire. Ils ont repéré des noms, plutôt dans le cadastre d'ailleurs que sur les cartes de l'IGL. Ça, c'est un peu ma spécialité de m'être penché sur ces cartes. Et lorsque j'avais un doute, une inquiétude, une interprétation de linguiste qui me posait problème, je regardais le site. Par exemple, j'ai un village du Limousin qui s'appelle Sescle. Ça a été écrit par un scribe. Alors, il faut se méfier des scribes qui écrivent un peu n'importe quoi ou ce qui leur plaît, qui écrivaient au XIIe, XIIIe siècle. Il a appelé ça Villa Sequis, c'est-à-dire Vallée Sèche. C'est un endroit extrêmement humide, bourré de roseaux et de joncs. Alors, un autre linguiste bien connu, nègre, a trouvé que c'était pas une bonne interprétation. Il a proposé que c'était un ségala, sescle, ségala, pourquoi pas, c'est-à-dire un lieu où on cultive le seigle. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus simple qui m'a frappé. Quand on connaît un peu l'occitan, ce qui est mon cas, on sait que sescle, c'est le roseau. Et donc, l'interprétation par les roseaux, ça me paraît nettement meilleur que par la vallée sèche, qui ne correspond pas du tout au site. Alors, il y a des roseaux, il y avait des roseaux. Il n'y a pas de gerbier, il n'y a pas de jonc au Mont Gerbier de Jonc, en revanche. Non. C'était bien la peine qu'on apprenne par cœur. Oui, le jonc, dans ce cas-là, tient à une racine qui est assez répandue, qui est la même que dans le Jura, et qui signifie une montagne boisée. Et gerbier, c'est probablement une allusion à sa forme qui correspond un peu à une meule. C'est vrai qu'il n'est pas très... Ce petit gerbier de jonc, parce que c'est haut, mais c'est petit. C'est pas la Napurna. C'est presque un pléonasme que de l'appeler gerbier. Mais le géographe que vous êtes, Roger Brunet, donc finalement, il n'a pas découvert, mais enfin, il a eu la confirmation que tous les noms de lieux venaient d'une désignation. C'était une manière de reconnaître ce lieu, enfin, de l'identifier. Alors, il y a deux grandes catégories. Ou bien on désignait le lieu d'après son propriétaire ou son habitant, et dans ce cas-là, c'est un nom de personne. Ça n'était pas mon propos que de travailler sur ce sujet. Lequel nom de personne peut venir aussi d'un nom de lieu ou d'un... Absolument. Ou d'une qualité. Vergne, par exemple, est un nom très répandu. C'est le même. C'est un nom qui vient de l'Aune. C'est l'équivalent de Delaunay, si vous voulez. Et ça se trouve partout. Et les Vergnes et les Delaunay, ils se sont promenés dans toute la France. Bon, par conséquent, il faut se méfier de l'existence des noms de personnes. Mais c'est vrai que ce qui m'a préoccupé, c'était de chercher en fonction de quels besoins, de quelles perceptions, on a nommé, alors d'après des noms d'arbres, d'après des formes, le nombre de métaphores du corps humain, par exemple, appliquées au relief, c'est tout à fait considérable. Il y a des dos, il y a des échines, il y a des culs, bien entendu, il y a des seins, il y a un mot qui est très répandu, qui vient, lui, du germanique, et qui est Braun, qui signifie le sein, et on le retrouve probablement dans la ville de Braun, à cause de la hauteur sur laquelle est perchée la ville. Il y a beaucoup d'exemples de ce genre. Et des exemples dans toute la France. Est-ce que toutes les régions ont finalement procédé de la même manière? Oui, alors elles ont leur propre langage, d'abord parce que elles ont reçu des apports différents. Les Vikings ont laissé beaucoup de traces en Normandie, les Flamands dans le Nord, etc. Il m'a fallu m'initier à beaucoup de noms du breton, du basque ou du catalan, entre autres. Et on retrouve quand même les mêmes constances à des différences géographiques près. Par exemple, dans les grandes plaines du nord de la France, qui sont depuis très longtemps cultivées, il y a énormément de noms qui viennent des mesures agraires, sétéré, sétier, etc., c'est-à-dire la quantité de grains qu'il faut pour ensemencer une surface donnée. Il y a aussi tous les le vieux passé des rapports de propriété, beaucoup de noms avec des en métairie, en fermage, ce que défendait le seigneur, le défend, etc. Mais alors, il y a aussi donc les petits êtres des bois. Alors ça, on est vraiment en plein dans le sujet de la nuit, Roger Brunet, puisque c'est une nuit sur la France mystérieuse. Vous faites tout un chapitre sur les petits êtres des bois. C'est-à-dire, on a parlé de la petite fadette tout à l'heure, Fade. C'est une fée, c'est les demoiselles, on en retrouve partout, enfin dans toute la France. Oui, alors les fées ont une très grande place en toponymie, parce que tout ce qu'on ne comprenait pas, on l'attribuait, j'ai dit au diable tout à l'heure, si c'est pas le diable, ce sont des fées. Quelquefois des lutins ou des korrigans, mais les fées ont une très grande place sous la forme fée, fade, demoiselle, femme. Je voyais il y a pas longtemps dans le Berry une pierre à la femme, qui est une pierre posée par une fée, bien entendu. C'est-à-dire que c'est le destin, Fatum. Oui, alors ça vient c'est Fatum, c'est ça, c'est le destin. On ne sait pas si ce sont des mortes, on ne sait pas si elles sont méchantes ou bienfaisantes. Quand elles sont méchantes, on les appelle sorcières. Et là aussi, dans ce domaine, il y a beaucoup d'exemples de noms plutôt sorcières d'ailleurs que sorciers, parce que c'était plutôt réservé au féminin. Mais on trouve aussi la Sibylle de Panzou qui a été célébrée par Rabelais. On trouve la devinière où habitait Rabelais, et dans son coin, il a été sensible à ce genre de choses. Il faut se méfier des fausses fées, si j'ose dire, parce que il y a des mots qui ont l'air, enfin des noms de lieux qui ont l'air de faire allusion à des fées, mais ça peut faire allusion à fay, F-A-Y. Oui, alors F-A-Y, ça vient du, c'est le hêtre. Le hêtre Fagus a beaucoup eu de descendants et de formes différentes. L'un de mes ancêtres s'appelle Fouette, et Fouet, c'est le hêtre aussi. Mais on a également, dans les Alpes, fée, ça désigne aussi des brebis. Alors, les demoiselles aussi. Voilà, savoir exactement s'il s'agit de brebis, de hêtres ou réellement de fées. Alors, les fées sont quand même attribuées généralement à des curiosités, par exemple des chaos de rochers. Alors, les roches aux fées, il y en a des quantités de ce genre. Et puis, il y a donc les matagots, les fouletons. C'est des noms de lieux ou c'est des noms simplement de petits êtres? Non, ce sont des noms de lieux qui viennent de, qui ont été attribués à partir de petits êtres de la légende. Les matagots, c'est ceux qui étaient censés tuer les chrétiens. C'était des êtres très malfaisants parce que l'ego était devenu de bons chrétiens. Alors, matagots, ça avait pris ce sens. Ça voulait dire qu'il faisait là? Il fallait pas s'en approcher? Il y avait une dangerosité? Oui, ça portait malheur. Alors on sait pas trop à quoi c'est lié. C'est peut-être lié, comme vous le disiez tout à l'heure, au fait qu'on ne voulait pas que des intrus se promènent dans ce bois. Alors on lui donnait des noms un peu inquiétants, des noms de nuit, beaucoup de noir, ou des noms comme ces matagots, ces sauterets ou autres. Des loups-garous aussi. On en trouve quelques-uns, en effet, dans les noms de lieux. J'ai trouvé aussi, par exemple, des gribouris. Gribouris, c'est l'équivalent du loup-garou dans le centre de la France. Et c'est un hameau, c'est un village, c'est Oui, des hameaux. Ce sont des hameaux qui s'appellent ainsi. Il me semble avoir vu quelque chose comme Gratachou. Alors, l'œil doux. J'ai vu ça, l'œil doux. Oui, alors l'œil doux, ça c'est probablement un pléonasme. C'est-à-dire que œil signifie une source et doux, c'est aussi duis, etc. C'est également une source ou un petit cours d'eau. Oui, parce que duis, alors là, il y a avec les duis. Alors comme on ne sait plus ce que signifient ces noms, on avait duis, par exemple, hérité d'ancêtres qui ne savaient pas écrire, et ensuite on a voulu y mettre œil parce que l'œil, ça évoque bien la source dans un certain nombre de cas. C'est la vasque qui est dont sort un ruisseau. Alors par exemple, si on habite à Sourd, S-O-U-R-D, Sourne, Sourdon, tout ça, ça ne veut pas dire que les gens de la région sont dans des problèmes d'ouïe. Simplement, il y a de l'eau. C'est de l'eau, il y a une source. Sourne, c'est lié à la source. Oui. Mais en fait, vous avez écrit 600, presque 700 pages, Roger Brunet, sur ces trésors du terroir, donc les noms de lieux de la France, publiés au CNRS. Mais on pourrait résumer, les noms de lieux concernent les sources, les bois, la qualité de la terre. Oui, il y a aussi les formes d'habitat. Il y a aussi les rapports sociaux et les religions. Par exemple, quoi, les rapports sociaux, ça donnerait quel nom de lieu? Les défends que j'évoquais tout à l'heure, les garennes, qui étaient normalement des endroits où on n'avait pas le droit de chasser. Il y a des noms de contrats, il y a les gagneries qui sont les endroits qu'on a pu gagner sur un défrichement. L'hébergement. L'hébergement, qui est un droit concédé par un seigneur de s'installer quelque part. L'alleu, qui est un nom de bien libéré de charges. Et alleu a donné des noms comme l'alleuf, par exemple. Il y a beaucoup de déformations autour de l'alleu. Et puis, au XIXe siècle, ou peut-être même avant, on s'est amusé finalement à trouver l'orthographe qui semblait la plus sympathique, parce que il y avait des mots qui étaient, on comprenait pas très bien, on rajoutait un Y, un S, oui, c'est etc. Ça, c'était plus joli à voir. Quelquefois pour enjoliver, tout simplement. Les Y sont toujours bien vus. Il y a des scribes comme ça qui adorent changer de nom. Ceux qui font de la généalogie le savent. Dans un même acte, on peut trouver trois écritures d'un même nom. De la même personne. Et vous nous avez dit, Roger Brunet, que vous étiez randonneur et que vous randonniez avec d'autres personnes, ce qui est le principe de la randonnée, sinon c'est de la marche solitaire ou à deux ou à trois. Est-ce que vous faites parfois vous organisez comme ça des trajets partant d'un non-lieu amusant, extravagant, en passant par tours et détours? C'est une bonne idée, ça. Je ne l'ai pas fait ainsi. J'ai repéré des noms de lieux à l'avance parfois pour pouvoir briller de votre savoir. Voilà. Non, pas briller du du savoir, mais créer des surprises. Parce que le savoir, bon, il est ce qu'il est. Il n'y a pas besoin de le polir ou de le faire briller. Et puis, il est censé briller tout seul. Il y a toujours quelqu'un qui peut vous dire non, c'est pas certain. Cette immunologie n'est pas certaine. Absolument. Donc. On a le droit, en effet, d'avoir... Bon, si vous voulez, il y a un certain nombre de noms de lieux dont on connaît parfaitement l'origine. C'est le cas des bastides du Moyen-Âge, ce sont des ou les villes neuves, les villes franches, etc., qui ont été créées par une personne précise, dont elle porte parfois le nom, genre Libourne, qui a été créée par un Leyburn anglais. Mais dans la plupart des cas, je dirais dans 95% des cas, on n'a pas de véritable origine du lieu. On a des écritures, des mentions du lieu qui datent au mieux du 9e, 10e siècle et qui ont été par la suite considérablement déformées, au point que les linguistes savent très bien publier 10, 15 noms différents pour un même lieu. Alors, ils ne sont pas forcément complètement différents, mais ils amènent à des interprétations différentes. Puis avant, vous parliez de Duis, alors il y a les orthographes D-U-I-X, D-H-U-I-S, D-H-U-Y, D-O-U-X, D-O-E-T, ça c'est en Normandie, puis Doigt, D-O-Y-E dans le Jura ou dans l'Ain. Alors quand on parle de Doigt, comme ça, qui a pu s'écrire ensuite oui, D-O-I-G-T, parce que... C'est un cours d'eau qui sort d'une source, oui. Alors, il y a l'eau, il y a les arbres, il y a les personnes qui y ont vécu, qui ont parfois donné leur nom, et puis après, les noms de villes ont changé. Oui, et puis ce que j'appelle les terrains de jeu, c'est-à-dire tout ce qu'on voit du relief qui impressionne plus ou moins en montagne depuis 150 ans, depuis qu'on fait de l'alpinisme, le nombre de toponymes a décuplé, a été multiplié encore par beaucoup plus que de 10, parce que les alpinistes ont besoin de repères. Alors il y a un piton ici, il y a une cathédrale là, quand il s'agit d'un ensemble de reliefs compliqués, etc., etc. Et avec la fonte des neiges et des glaces, tout ça va se transformer aussi en nom de lieu. Les noms de lieux vont évoluer peut-être. La fonte de glace, elle affecte surtout les glaciers qui ont un seul nom en général, mais il y en a qui disparaissent effectivement. Alors vous, Roger Brunet, quand vous vous promenez, parce que vous allez continuer à faire de la randonnée dans la France que l'on souhaite mystérieuse cette nuit pour y trouver les trésors du terroir, parce que vous avez beau avoir écrit, rédigé sur près de 700 pages et quasiment toute la France, il y a quand même des lieux, il y a encore des petites cartes comme ça qui manquent à votre connaissance sur le terrain. Vous allez, je suis sûr, découvrir ou peut-être même désigner, donner un nouveau nom à un lieu qui vous paraît très étonnant. Il y a énormément de choses à faire. Récemment encore, il y a quelques jours, je tombais sur un mot qui m'avait échappé, qui n'est pas dans mon livre, mais qui avait été découvert dans le Berry par un collègue, qui est renfermé. Bon, renfermé, ça désignait une pièce qui était close, mais c'est un mot qui est assez rare, propre au centre de la France et que je n'avais pas trouvé ailleurs, et que je n'avais pas trouvé du tout. Est-ce que vous rêvez de découvrir un coin comme ça au hasard d'une promenade et de lui donner, non pas votre nom, Roger Brunet, mais de lui inventer un nom? Non. Vous êtes géographe, mais vous avez le droit d'inventer. Certes, mais il y a des centaines de milliers de noms de lieux en France. Moi, j'ai travaillé surtout sur les cartes de l'IGN. Mais quand les ingénieurs d'hygiène dessinent des cartes, ils ont une certaine place limitée. Ils portent le plus de noms possibles qu'ils peuvent, mais pas tous. Les cadastres sont infiniment plus riches que les cartes de l'IGN, et alors là, on n'en sort pas, parce que ce sont des centaines de noms par commune. Oui, on sait bien qu'en se promenant, même avec une carte, c'est à quel 25 millième ? Oui, c'est le 25 000 était mon échelle de préférence parce qu'elle est très riche. En dessous, d'ailleurs, il n'y a pas davantage de noms. C'est plus grand, mais l'IGN ne donne pas d'autres noms. Mais j'ai consulté quelques travaux qui avaient porté sur des cadastres également et qui sont donc plus fins, si vous voulez, avec des noms parfois un peu plus curieux. En tout cas, c'est passionnant ce trésor du terroir, sous-titré Les noms de lieux de la France, publié chez CNRS Éditions, Roger Brunet, parce que on trouve notre passé, notre vie, nos noms de lieux, de nous sommes nés ou nous sommes passés, nous allons nous promener. Ça qui m'a intéressé, c'est de voir ce que faisaient nos ancêtres. Bien. Eh bien, cette nuit mystérieuse se poursuit, elle va se terminer à Paris, figurez-vous. Merci Roger Brunet. Merci à vous.